بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. Bienvenue dans le podcast Revivification du cœur. Je suis musulman lambda. Ce podcast est destiné à la diffusion des principes de l'islam aux francophones. Il s'agit principalement de lectures destinées à être méditées, approfondies et remises en question. Les seuls prérequis étant le respect, l'ouverture d'esprit et l'esprit critique. Le premier meurtre. Le chapitre 5 du Coran relate l'histoire de deux frères, Cain et Abel. Ils étaient les fils d'Adam, le premier homme à s'être installé sur terre. Pour une certaine raison, une controverse apparut entre les deux frères. Après un échange passionné, Cain tua Abel. Ce fut le premier meurtre dans l'histoire humaine. En racontant cette histoire, le Coran dit dans le chapitre « La table servie ». Pour cette raison, nous avons édicté cette loi aux enfants d'Israël. Quiconque tue un être humain en dehors des sanctions pour meurtre ou pour avoir semé le désordre sur terre est considéré comme ayant tué l'humanité tout entière. Et quiconque épargne un seul être humain est considéré comme ayant épargné l'humanité tout entière. Nos messagers leur ont apporté des preuves irréfutables, et pourtant, un grand nombre d'entre eux ont continué à perpétrer, malgré cela, des actes répréhensibles sur la terre. 5.33. Ce verset ne constitue pas seulement une disposition légale en cas de meurtre. Il nous donne aussi une idéologie de la vie, laquelle peut être résumée comme suit. Les différences font partie de la vie humaine. Vous ne pouvez pas les éliminer. Ainsi, si vous avez un problème avec d'autres êtres humains, ne soyez pas dérangé, mais prenez-les de manière désinvolte. Essayez de vivre avec les différences. Essayez d'apprendre l'art de la gestion des différences, soit en ignorant le problème, soit en vous adaptant. Dans toutes les situations, vous devez accepter à l'avance que la confrontation ou la violence n'est pas une option pour vous. Ceci est complètement hors de question. Soyez déterminé à ce que vous opterez pour un type de règlement pacifique, que vous n'entrerez jamais dans une ligne de conduite pouvant mener à la violence. Le meurtre d'une personne n'est pas simplement l'élimination d'une personne. C'est la mise en place d'un précédent indésirable dont l'effet continuera, directement ou indirectement, à exercer une influence néfaste sur l'humanité tout entière. En ce sens, chaque crime individuel est un crime universel. La violence n'est pas simplement une solution vicieuse à un problème. C'est pire que cela. C'est une violation grave des normes éthiques. De plus, lorsque vous optez pour la violence, vous vous éloignez de la voie de la construction de soi. Vous gaspillez votre temps et votre énergie sur un plan d'action non productif. En ce sens, toute action violente est comme un boomerang. Il agit contre vous tout comme il agit contre les autres. Lorsqu'une personne opte pour la violence ou le meurtre, il le fait par colère. Quand on se fâche, on devient excédé. Cela étant, il ne faut pas prendre de décision dans un état d'esprit aussi anormal. Donc, quand vous êtes en colère, gardez votre patience. Essayez de désamorcer votre colère. Essayez de vous calmer. Ne prenez votre décision que lorsque vous devenez émotionnellement normal. Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a apporté beaucoup de choses positives. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Revivification du cœur et à partager son contenu. À bientôt pour un prochain épisode, si Allah le veut. J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah, seul sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager.